Sont-ils des geeks ? Sont-ils fanboys ? Sont-ils des otaku ? Bienvenue dans l'émission Les Potes Calés. Animé par Teddy et Fabien. Alors on va inaugurer une nouvelle pastille en fait. On avait les nanars, on avait les news trailers, on avait les critiques ciné. Et maintenant on va commencer une pastille saga. Le thème s'est imposé de lui-même vu que le nouveau Predator va sortir en courant octobre. On voulait traiter un peu de la saga Predator au cinéma et parler un petit peu des comics. Donc faire le tour de cette espèce d'icône de la science-fiction qui est un peu apparentée à l'alien vu que généralement que ce soit dans les films ou dans les comics il est quand même affilié à l'univers d'Alien, quoi qu'on en dise. Pour toi, qu'est-ce qui représente le Predator, toi ? Pour moi, le Predator, ça représente une menace qui chasse un peu comme l'homme, mais sauf que le Predator, il chasse ce qui est plus fort que lui, en théorie. Mmh. Donc bon, c'est quand même gratifiant pour l'homme, parce qu'apparemment, on est plus fort qu'un Predator. C'est le chasseur ultime, mais qui est là pour chasser par plaisir, quoi. Pas le chasseur ultime vicieux qui est là pour tuer tout ce qui bouge autour de lui. Ouais, tu vois, il y a pas une notion de sadisme quand il chasse, et puis il ramène un trophée, quoi, généralement. C'est ça, en fait, le principe du personnage, quoi. Voilà, c'est le chasseur, c'est pas le parasite qui est là pour faire de l'invasion, c'est le chasseur méthodique qui est là pour jouer à son sport. Tout le contraire de l'alien, en fait. Ouais, tout le contraire de l'alien, ouais. C'est une opposition. C'est-à-dire que l'alien, c'est un chasseur né, mais son but, c'est une expansion massive, et tandis que le Predator, son but, c'est de chasser pour le plaisir. Bon, on va revenir un petit peu aux origines du Predator. Donc il faut savoir que c'est là, il fait partie de la race des Yojo. Alors je vais expliquer parce que c'est un petit peu difficile. Ça s'appelle Y-A-U-T-J-A. Donc c'est la race extraterrestre qui a pas été du tout mentionnée dans les films en fait, qui est apparue dans une nouvelle en 1994 qui s'appelait Alien vs Predator. Mais jusque 94, on ne savait pas de quelle race extraterrestre et on l'appelait le Predator en fait, tout simplement. Le Predator, donc, qui est arrivé en 1987 sur les écrans avec le film de John McTiernan, avec bien sûr Arnold Schwarzenegger en vedette. Au casting, on retrouvait aussi Carl Weathers, donc le Apollo Creed de Rocky, et toute une bande de joyeux drill, de joyeux commandos qui vont dans la jungle panaméenne, qui vont en fait dans une sorte de mission de sauvetage qui au départ est un peu surpris, ils sont un peu surpris, mais au fur et à mesure ils se rendent compte que une espèce de fantôme qui se camoufle les poursuit et qui les trucide un par un. Et c'est un peu le fort de ce film, c'est de montrer la créature que par étapes, c'est-à-dire qu'au départ on a vraiment un fantôme qui se balade entre les arbres avec les yeux qui clignotent. Ça c'est le système de camouflage du Predator. Ça marche dans le premier parce que on le connaît déjà, il y a l'esprit de nouveauté et il y a aussi le fait que un par un les guerriers qu'on croyait invincibles et qui ont tous des profils de dur, quoi, c'est ça en fait, et ils se font carrément laminés par l'extraterrestre, jusqu'à bien sûr Schwarzenegger qui est quand même le héros principal du film là, qui sortait de justement du succès du Terminator. Toi, qu'est-ce que t'en as pensé de ce premier film déjà dans un premier temps? En fait, le premier film, c'est complètement une analogie du chasseur chassé. C'est-à-dire qu'ils arrivent au Panama pour une mission de sauvetage ou une élimination. En fait, on n'en sait pas trop dans le film. Mmh. On sait juste qu'ils sont là. Voilà, c'est des forces spéciales, c'est des bérets verts, enfin des trucs comme ça. Donc, c'est des mecs surentraînés, donc des chasseurs nés, qui chassent l'humain aussi, mais pas dans les mêmes conditions. Là, plutôt sur un prétexte de guerre. Et les chasseurs, commencent à se faire chasser par une entité. On sait pas ce que c'est. C'est surprenant, quoi. Mais apparemment, l'entité, donc le Predator, en veut particulièrement à ceux qui sont les plus entraînés possible. Ouais, c'est ça en fait, parce que on voit dans le film que il va s'en prendre aux balèzes et qui finissent généralement pendus et écorchés, ou bien avec la colonne vertébrale complètement arrachée. D'où cette idée de trophée et des scènes un peu gore parfois. Et il s'attaque pas du tout à la femme qui les accompagne, c'est ça le principe, quoi. Et la seule fois où il veut s'attaquer à la femme, c'est quand elle a pris une arme. C'est ça. Donc on s'en rend compte que cette créature, si c'est pas armé, si c'est trop fastoche, ça l'intéresse pas spécialement. Ouais, il y a quand même une notion d'honneur, quoi, finalement, chez cette créature. Honneur, je sais pas, mais en tout cas, elle sait ce qu'elle veut, quoi. Elle a un but, et comme un chasseur, quoi. C'est son but, elle déroge pas de son but. C'est-à-dire que elle se donne les moyens d'y arriver, et ce qui est autour, se laisse pas se distraire, quoi. Comme un super soldat, quoi. On va droit au but, on se laisse pas distraire, on atteint l'objectif. Et c'est vrai qu'il y va pas de main morte, hein. Quand il tue les soldats, c'est soit à coup de de griffe ou soit coup de canon sur l'épaule. Enfin, il y a tout un arsenal d'armes qu'on verra plus tard, qui évolueront avec les films en fait. Et dans ce premier film, ce qu'on retient, c'est notamment cette espèce d'ambiance de terreur qui règne pendant tout le film, avec ce commando qui est traqué, qui finalement par la chance, parce que en fait Schwarzenegger, le personnage de Schwarzenegger, s'il se fait pas éliminer tout de suite quand il se retrouve seul face au prédateur, c'est un peu par le biais de la chance, c'est parce qu'il est couvert de boue par des circonstances quoi. Et c'est là qu'on voit que après le prédateur commence à mesurer que son adversaire, ben il est pas si faible que ça et que il a encore des ressources. Schwarzenegger, il se sert plus des armes conventionnelles, il revient un petit peu au piège un petit peu tribal. Au piège à la Rambo en fait, ouais, c'est-à-dire que au lieu d'utiliser les armes conventionnelles comme tu dis, il utilise les éléments de l'extérieur pour des arbres pour piquer l'adversaire, des troncs pour l'assommer, etc. Il revient un peu plus à des pièges d'hommes des cavernes quoi. C'est ça, on a un retour à l'homme de, un peu à l'homme de Néandertal. Il a le physique qui s'y prête aussi. Oui, bon, c'est Schwarzenegger, hein. De toute façon, si on avait pris, je sais pas, moi, le premier Maigrichon, je crois que ça aurait moins passé, mais bon. Bah, le film est réussi, hein. Ça reste quand même un classique du film de science-fiction et aussi un film un petit peu de terreur. Moi, je l'inclus parce qu'il y a tellement une ambiance qui est installée dans ce film et notamment, t'as ces bruitages j'arrive pas à définir, mais c'est une espèce de bruit. Ouais, un bruitage un peu comme du bois qu'on claque l'un sur l'autre. Ouais. Et on a aussi la musique très belle musique de Alan Silvestri qui fait le thème militaire, et à la fois le thème militaire et le thème un peu tribal guerrier qui renforce un peu l'atmosphère. Bon, c'est un classique, hein, c'est incontournable. Hein, Puis John McTiernan, c'est quand même le réalisateur de Piège de cristal et d'autres films comme Les Die Hard ou La poursuite d'Octobre Rouge, ou bien même Le 13e guerrier, pour ne citer que. Pour Schwarzenegger, on va pas le présenter, hein, on le connaît. Hein, c'est Terminator, c'est Conan, c'est Le Predator. Pour moi, c'est ses trois meilleurs films, mais bon. Voilà, puis dans le film Predator, après, il a fait des films un peu moins bons, hein, notamment des films où il était toujours militaire et béret vert, quoi. Ouais, style commando, donc ça l'a lancé un peu là-dedans. Et sinon, dans ce film-là, ce qui était bien, moi, comme tu dis, c'était, moi, je vais dire, une ambiance à les dents de la mer, c'est-à-dire que la menace, tu la vois pas forcément, mais tu la sens toujours présente. Et ça, c'était vraiment prenant, et ce qui faisait que le film changeait complètement de saveur par rapport à ce qui se faisait à l'époque. Et en parlant d'ambiance, on parle aussi de vision subjective, c'est-à-dire que on voit pas la créature, mais on voit sa vision. Et cette vision, elle est en infrarouge, on détecte les sources de chaleur, et on se demande vraiment ce qui se cache derrière. Bon, on apprend que c'est un mécanisme du masque, du casque. Ça donne une ambiance qui est particulière au film. Bah, moi, je vais un petit peu parler du tournage du film parce que ça me paraît un petit peu important à ce niveau-là. Faut savoir qu'au départ, le prédateur n'était pas du tout cette espèce d'humanoïde avec un casque et avec ces espèces de look rasta. Oui, puis ça fait penser même aux armures des samouraïs par certains côtés. Pour en revenir, c'est qu'au débat, au départ, quand ils sont arrivés dans la jungle mexicaine, là où s'est déroulé le tournage, c'est que le premier costume est arrivé, c'est un costume rouge d'insectoïde qui devait être en fait inséré sur l'écran. Et ils ont essayé plusieurs choses. Ils ont essayé d'abord de le mettre sur un singe. Le singe n'était pas très motivé, il est resté sur son arbre. Il y a Jean-Claude Van Damme qui a aussi participé, c'est-à-dire que lui, il croyait qu'il allait faire des cabrioles avec le costume et qu'il allait jouer pendant tout le film, mais non, ça n'a pas marché, donc il était complètement ridicule. Donc l'allure du Predator, en fait, l'allure primaire du Predator, c'était une espèce d'insecte avec une grosse tête et des gros yeux. Un peu comme dans les séries Z, quoi. Ouais, c'est ça, c'est l'ambiance série B, série Z. Ils sont passés par plusieurs spécialistes comme des effets spéciaux, comme Richard Edlund ou Rick Baker, qui sont connus pour la maquillage de le loup-garou. Et ensuite, ils se sont orientés vers Stan Winston. Donc Stan Winston, on le connaît, et puis on en parlera un peu plus dans notre hors-série effets spéciaux. C'est quand même le gars qui a créé le Terminator et la Reine Aliens. Et justement, là, c'est quand il s'est inspiré pour le design, il était en conversation avec James Cameron, qui lui dit, il faudrait peut-être me faire une créature avec des mandibules. Alors, il l'a pris au mot, et puis il a ajouté ces mandibules, qui sont vraiment effrayantes, hein, quand on voit le personnage. Qui font un peu arachnoïde. Oui, c'est ça. Et ses yeux jaunes, et cette espèce de tronche, quand il dit Schwarzenegger, qui dit, t'as pas une gueule de porte-bonheur. Ouais, c'est vrai. Voilà comment que c'est un peu né, puis le look rasta, puis l'exosquelette. Enfin, toute l'armurerie du Predator. Alors, faut savoir que le Predator est incarné par Kevin Peter Hall. Comme je le disais récemment, c'était le médecin noir dans Les Misfits, la série. Donc, je crois qu'il fait un bon 2 mètres et quelques. Le costume qu'il portait, il pesait 90 kilos. Donc il faut s'imaginer quand même l'attirail. C'est un peu comme ça me fait penser à Peter Weller quand il devait porter le costume de Robocop, qui faisait une centaine de kilos aussi, il me semble. D'où les mouvements un peu lents et un peu brutaux aussi quand il se déplace. Quoi. Mais enfin, le mec apparemment, Kevin Peter Hall, était quand même assez flexible. Il avait fait beaucoup de gymnastique et d'arts martiaux apparemment. Et les mandibules étaient animées par une technique qui s'appelle l'animatronique. Comme Yoda dans les premiers Star Wars. Ouais. Enfin, c'est une marionnette quoi. C'est une marionnette, l'animatronics. On a Splinter ou Yoda. Bon, au niveau scénario, il n'y a pas eu beaucoup de changements, à part que le premier titre, c'était The Hunter. Bah ouais, c'est un peu logique. Avant de devenir The Predator, il était question d'ailleurs de, comme tu disais tout à l'heure, de s'inspirer des Dents de la Mer et des Aliens. Donc le personnage a été créé par les scénaristes Jim et John Thomas. Voilà donc pour ce premier épisode. Je pense pas rien avoir oublié au niveau des anecdotes. Et on va passer au Predator 2. Premier épisode, celui-là, si vous l'avez pas vu, franchement, vous ratez quelque chose. Parce que dans les chefs-d'œuvre des œuvres cinématographiques, ouais, il est dans le top 10 pour moi dans les films des œuvres cinématographiques. Donc, il faut absolument aller le voir si vous l'avez pas vu, parce que c'est quelque chose qui a pas trop mal vieilli. Et puis, ça fait du bien de voir Schwarzenegger qui s'est à peu près joué, et puis le mec dans The Costume, c'est un acteur à lui tout seul aussi, quoi. Il est pas là pour faire de la figuration, c'est-à-dire qu'il prend la place, qu'il prend son rôle, et quand on le voit, ouais, je trouve qu'il est super impressionnant. Ce qui est pas forcément le cas dans ce qu'on va voir par la suite dans les autres films. Ouais, c'est vrai qu'il a la prestance, et puis il faut avouer qu'il a une sacrée gueule, le Predator, hein, quand même, avec son casque, avec ses griffes et tout, son look rasta et les dreadlocks, et ça fait vraiment une belle icône. Et puis comme tu dis, moi c'est dans le top 10 des films de science-fiction même, je dirais, et c'est un film qu'on peut revoir avec plaisir, et que même désolé de pas l'avoir vu au cinéma, parce que c'est vraiment tellement un chef-d'œuvre dans la mise en scène que ce film, il reste dans le top. Si tu veux présenter Predator 2, c'est en 1990, le film est réalisé par Stephen Hopkins, avec au casting Danny Glover, Bill Paxton, qu'on a souvent vu dans les films de Cameron, et Gary Busey. Alors l'anecdote, c'est que Danny Glover et Gary Busey, ils s'étaient croisés sur le plateau de L'Arme Fatale, parce que Danny Glover, tu sais bien que c'était Roger Murtoff. C'était Murtoff dans L'Arme Fatale. Par contre, ouais. Gary Busey, c'était Monsieur Josua, celui qui se brûle la main au briquet. Donc voilà, je te laisse un peu présenter le film, l'intrigue et tout ça. Donc Predator 2, on reprend les mêmes choses que Predator 1, sauf qu'on le met dans un milieu urbain. Donc ça devient une guérilla urbaine entre le Predator et ce qu'il trouve de mieux à chasser. Mais en fait, on voit qu'il chasse les trafiquants de drogue, mais quand il y a un policier par exemple qui se trouve sur la route, effectivement il n'hésite pas à le dégommer. En fait, dans le même principe que le 1, dès que c'est armé, de toute façon il fait pas dans le détail, il l'élimine. Donc à l'époque, qu'est-ce que tu en avais pensé de ce film, toi? Moi à l'époque, alors j'étais jeune quand je l'avais vu, moi j'avais bien aimé, ça me faisait moins peur que le Predator 1, donc forcément j'avais bien aimé. Par contre, au niveau du regard de maintenant, il a un peu mal vieilli, mais par contre là ça va être marrant, parce que Fabien et moi, comme on n'a pas le même avis sur le film, parce que lui trouve, il va vous dire ce qu'il trouve à propos de ce film. Moi, je trouve qu'il est toujours divertissant à regarder, même s'il y a un surjeu évident de Glover. Ouais, c'est ça, c'est le surjeu, mais il n'y a pas que ça ce qui me dérange, parce que Glover, moi je l'aime bien, il est sympathique. Il a fait La Fatale, mais il a fait pas mal de films aussi qui sont un peu plus intimistes. Et puis, cette ambiance, je veux dire, 80, 90 déjà, c'est l'esthétisme, la patine. Cette patine visuelle qui fait que le film a très mal vieilli. Puis il y a ce côté un peu nanardesque, quoi, des fois. Je pense notamment cette scène du début où il arrive, où les flics sont face à des trafiquants de drogue qui sont surarmés, et ils arrivent vraiment pas à les contenir. Ouais, c'est un début à la Robocop. Ouais, c'est ça en fait. C'est dingue, et il arrive, et le mec avec son petit flingue, il commence à buter tout le monde, mais sans que ça lui pose problème, quoi. Et là déjà c'est une première scène. Puis il y a le côté nanar avec la scène du métro qui est vraiment horrible, quoi, au niveau montage. Enfin, moi j'ai trouvé. Puis cette fin qui est complètement ridicule, quoi, avec le prédateur le Danny Glover là, qui se bat contre le Predator et qui arrive à le tuer. De toute façon, on va spoiler tout le film, parce que ça fait quand même... C'est des vieux films, on sera obligé de vous spoiler. Quelques décennies qui est sorti. Mais qu'est-ce que c'est nul, cet ultime combat dans le vaisseau. D'ailleurs, il faut rappeler que cette scène dans le vaisseau a été prévue dans le 1, et que le combat entre Schwarzenegger et le Predator devait se dérouler dans le final, devait se dérouler dans le vaisseau. Et donc, ça a été repris dans ce film-là. Et il y a tout un arsenal. Et puis, on retrouve les écorchés. C'est vrai que c'est un peu plus gore, hein, le deuxième. Il y a des têtes qui volent, il y a des bras qui sont coupés. Tu vois, moi j'ai trouvé le deuxième moins gore, mais c'était pas du bon gore, c'était du gore des années 90. Ouais. C'est-à-dire que où tu vois techniquement que c'est pas vrai quoi. Ça, les têtes qui sont coupées, elles sont moches à la Highlander 3, donc forcément c'est pas trop crédible dans le truc. Après le surjeu de Glover aussi, ouais, qui est un peu péchant. Bon, la scène de combat dans le métro, à l'époque, bon, ça m'avait pas spécialement choqué. Par contre, la scène de combat dans le vaisseau spatial, ouais, c'est vrai que ça fait un peu too much. Mais sinon, dans le reste du film, on se concentre un peu plus aussi sur le Predator, parce qu'on le voit blessé quand même. Bon, c'est vrai qu'il se soigne un peu comme il peut, hein. Ça c'est quelque chose qui fait penser à Terminator. Ouais. Et en fait, j'ai l'impression qu'on nous a pris un peu du Robocop, du Terminator, un peu de tout. On a mélangé tout ça, on a sorti la sauce Predator, et puis on nous a servi un film. Ouais, c'est un gros mix, parfois un peu pastiche, hein, parce que je pense à la scène avec la grand-mère, là, quand il sort de la salle de bain et qu'il court après, il y a Glover qui passe à travers le mur et tout. Non, là, le Predator qui se soigne. Il y a la grand-mère qui commence à hurler, qu'elle voit le monstre qui court, là. Mais je trouve que moi, le Predator, il est plus vite. Le problème de ce film, c'est que le rapport de force, un peu, c'est que le Predator, il est plus vite affaibli que Danny Glover dans ce film. Bah, un Predator de poche. C'est vrai qu'il est moins costaud que le Predator d'avec Schwarzy. Avec Schwarzenegger. Ouais. Mais en même temps, voilà, le but du jeu, c'était de faire combattre un mec. Enfin, je suis désolé, avec Danny Glover, on voit sa carrure. C'est pas Dwayne Johnson ou Schwarzenegger, quoi. C'est Danny Glover. Ouais. C'est quand même un bon acteur. Je vais pas dire un grand acteur, mais quand même un bon acteur. Ouais. Par exemple, dans L'Arme Fatale, c'était pas lui le costaud, quoi. Le costaud, c'était Mel Gibson, alors qu'il est pas costaud non plus. Et là, dans ce film-là, il joue dans le même truc que L'Arme Fatale. C'est-à-dire que c'est pas un costaud, c'est juste un porteur de flingue et un bon flic. Mais le faire combattre un prédateur d'égal à égal, ouais, je trouve que ça pêche quelque part. Ouais, il y a de gros défauts dans cette espèce de vaisseau, là. D'ailleurs, on y a un petit caméo d'Alien dedans, je sais pas si ça m'a remarqué, mais à un moment, la caméra fait le tour du vaisseau et t'as une espèce d'alcôve avec plein de trophées. Et dedans, justement, t'as un crâne d'Alien. Alors, c'est juste un petit clin d'œil pour envoyer en fait au comics Alien vs Predator qui est sorti à peu près à la même période. Voilà quoi, il y a quelques scènes qui pêchent. Moi j'ai trouvé que c'était un peu excessif au niveau du jeu. Il y a pas que lui, il y a pas que Danny Glover. Hein. Moi Bill Paxton, je trouve que il a joué aussi hyper décontracté, pas naturel des fois. Et pour moi c'est ça pêche, hein, c'est sûr. Ouais. Mais j'irai pas jusqu'à dire que c'est un nanar, c'est un film dans la moyenne de ces années-là. Quand tu regardes ce qui se faisait dans ces années-là, tout y était dans cette lignée. Bah, pas bon, c'est un nanar, mais bon, on a deux avis différents, et puis c'est tant mieux parce que ça nourrit le débat, on va dire. Bah, ouais, moi, est-ce que je le conseille, le 2? Moi, pas trop. Moi, je trouve qu'il a horriblement mal vieilli, c'est ça son plus gros défaut. Bah, en plus, si vous voulez regarder la suite des Predators, si vous avez pas vu le 2, c'est pas spécialement gênant. Il y a juste le fait, dans le 2 que j'avais bien aimé, c'est qu'ils honorifiaient ce Predator, qui devenait, une fois qu'il était battu, il y a tous les autres Predators qui arrivent et puis le héros se dit je vais quand même passer un mauvais quart d'heure, puis en fait non, il lui donne une récompense, c'est quoi. T'as réussi à battre l'un des nôtres, c'est cool, t'es puissant, salut, dégage. Il y a eu moins un coup de disque dans le bide et puis tout est fini, quoi. Alors que normalement, si on suit la logique du premier, ça va durer de ça, hein, on le liquide puis c'est marre, quoi. Ouais, c'est ça, c'est... Parce que justement, c'est un grand guerrier, il a réussi à battre un Predator, donc du coup, il devrait avoir tous les autres sur le dos pour se faire tâtonner, d'ailleurs, pour l'honneur de ce que l'autre n'a pas réussi à faire. D'ailleurs, ça part un peu comme ça, il dit « à qui le tour ?» Tu sais, quand ils sont tous autour de lui, ils lui disent « à qui le tour ?» Il y a avec son truc, et puis il sait très bien qu'il va se faire démonter, tout. Mais c'est un peu l'aspect comique. C'est vrai que Glover, il a quand même gardé son côté un peu dérision de Roger Murtoff quelque part. Bah honnêtement, quand tu vois le film, c'est Roger Murtoff contre Predator. En plus jeune, on va dire. En plus jeune, mais ça fait vraiment ça. Et dans tout le jeu, après des armes fatales, on va pas revenir là-dessus. Hein. Non. C'est toujours le même jeu, hein. Donc j'ai l'impression qu'il fait toujours le même jeu. Et dans Predators, c'est vrai que quand tu vois Schwarzenegger contre un Predator, tu peux te dire, il peut rattraper son retard. Ouais. Quand tu vois Glover contre Predator, déjà tu lui colles une beigne, il passe à travers la vitre du vaisseau, puis c'est mort. C'est le problème du rapport de force, on va dire. Ouais, il y a un rapport de force qui est pas égal. Qui sonne faux. On a fait le tour avec le 2, on peut peut-être passer au Predators. Donc Predators de Nimrod Antal, donc pas très connu ce réalisateur, avec au casting Adrien Brody. Très grand acteur d'ailleurs, qui a pas fait que ça, mais qui a démontré qu'il pouvait faire autre chose qu'un rôle d'homme d'action. Alice Braga, et on a aussi Machete, hein, qui fait une apparition, qui dure pas longtemps d'ailleurs dans le film, mais Danny Trejo. C'est vrai qu'il a une gueule de... il a une sale gueule, quoi. Il a une gueule de truand. Il est marqué, quoi. On le voit, même s'il fait des bons gars des fois, mais il est très marqué sur son visage. Ouais, il a pas une tête de gentil, quoi. Ouais. Il a une gueule à avoir des problèmes. C'est vrai. Il a une gueule d'ancien taulard, qu'on va dire. On ne va pas le croiser dans la rue, quoi. Donc le film, et puis on remarquera aussi la présence de totalement inutile pour moi de Laurence Fishburne, quoi. Bah c'est moi, c'est pas un film qui m'a marqué et que j'ai vu en diagonale. Pour moi de toute façon ce film c'était too much hein. Ouais. C'était des gros bras contre des prédateurs puis c'est marre quoi. Ça c'était du vu, du déjà vu. J'avais pas spécialement envie de le regarder plus que ça en plus. Donc forcément mon souvenir n'est plus qu'altéré sur cette. Toi tu l'as eu il y a pas longtemps en plus. Et en plus ouais je l'ai vu il y a pas longtemps donc c'est pas. Ouais, j'ai eu l'impression de regarder un jeu vidéo en live, c'est-à-dire que j'ai pas la manette dans les mains, mais le jeu vidéo, il continue à tourner. T'as quasiment pas de scénario, t'as une espèce de best-of du premier film, parce qu'il y a beaucoup de scènes qui reviennent, en fait. Là, t'as une espèce de ramassis de clichés de personnages tueurs, bon, t'as le japonais avec son sabre, non, il est pas avec un sabre, le yakuza au début avec des armes, et comme par hasard, dans le vaisseau où il se réfugie, il trouve un sabre. Bah, tu te dis, bon, bah, il va y avoir un combat au sabre entre les deux, oui, et tu vois, il y a pas de surprise. T'as le mexicain avec ses flingues, t'as le russe avec sa grosse sulfateuse, d'ailleurs on voit la même sulfateuse que dans le premier, t'as l'espèce de taulard là, qui est un peu vicieux, et t'as la nana, bon on sait pas, apparemment elle a l'air un petit peu saine d'esprit, c'est à mon avis celle qui a un petit peu plus de moralité dans le groupe. Ouais, c'est ça. C'est un ramassis de tout ce qu'on trouve de puissance sur Terre. Hein. Ouais. Voilà, quand on est un humain, on dit voilà, Yakuza, ils sont super forts. Ouais, les bérets verts sont super forts, les Black Ops sont super forts, les Shpetnats sont super forts. Du coup, j'ai l'impression qu'ils se disent bon, fort, cartel mexicain, ils sont forts. Ouais, on mélange tout, on les fout sur la même planète. Donc c'est vrai que voilà, au niveau entrée, voilà, en fait, ils ont même pas cherché à faire un scénar. Hein. Le but du jeu, c'est de faire Predator qui tatane la gueule au cliché raciste de la planète Terre. Au clicheton, aux caricatures de guerriers, quoi. Bon, ce qui est bien, c'est qu'il sera plusieurs, là, les prédateurs. Donc, puis t'avais l'espèce de clébard, là, à un moment. Non-sens aussi, ces espèces de clébards. Ouais. Bon, enfin bon. Tu veux développer? Bah ouais, ils envoient les clébards pour faire un peu le ménage au début. Donc, ils tirent dessus. Puis à la fin, il y a le combat entre le prédateur et tout. Et il n'y a plus de clébards. Hein, ouais, c'est vrai qu'il n'y a plus rien, là. Il a rappelé ses bêtes. Enfin, j'ai pas compris, puis moi, à la fin. Bon, on va revenir sur les gros défauts du film. Déjà, il y a l'espèce de pacte qui passe avec le prédateur pour se barrer. On savait bien que de toute façon, quand le vaisseau explose, on sait bien qu'il va pas crever le mec. L'espèce de le docteur, là, on sait pas très bien pourquoi il est là au début. On devine que c'est un gros psycho en fait. Bah ouais, le docteur qu'on croit qu'il est là par hasard. Ouais. Puis enfin, on le voit arriver, c'est annoncé. C'est amené de telle façon que tu dis bon, lui, il cache quelque chose. Puis bien sûr, il trouve une plante toxique dans la jungle au début du film. Et... Ah ouais. Et là, tu te dis, bon, voilà ça, on va le retrouver. Puis paf, à la fin, on retrouve cette toxine qu'il injecte. Ouais, d'ailleurs, toi, tu as dit, ils ont la même végétation sur la Terre que sur cette planète. Bah ouais, d'ailleurs, ils arrivent sur une planète où c'est les mêmes végétaux. Il y a une plante toxique géante. Fais attention, c'est une, puis il sort le nom en latin. Donc voilà, les Predators, apparemment, leur planète, c'est une copie de la nôtre, mais enfin, c'est une zone à eux, mais. Ouais. Pour ça, ça fait super bizarre. Mmh. Après, ils ont essayé de mettre un bestiaire, mais ils avaient qu'un autre alien qui était pris au piège comme les humains. Et puis, ouais, tous des conneries, quoi. Laurence Fishburne qui arrive pour sauver la situation, puis qui se retourne, un twist, quoi. Ouais, parce que tu te rends compte qu'il essaie de les gazer, parce que, en fait, il se nourrit de chair humaine, quoi. C'est ça, l'histoire d'un truc. Bon, j'ai pas compris ça, moi. J'ai pas compris qu'il se nourrissait de chair humaine. J'ai juste compris qu'il était complètement starbé, puis c'est marre, quoi. Ah, il est pas bon, mais il se nourrit de tous les gens qui sont tombés, quoi, en fait. C'est ça, le truc. Bon, c'est cynique, hein. Ça aurait pu être un petit peu du... Je pense que le personnage aurait pu être développé. Mais Non, moi pour moi il y avait rien à développer, c'est-à-dire qu'ils mais je te dis c'est enfin, je vais le répéter, ils ont pris tous les clichetons possibles, même les clichetons de twist. Ouais. Et puis à la fin, ils se sont dit, on mélange tout ça et on refait un film. De toute façon, c'est Blaireau, ils ont vu le 1 et le 2, ils ont bien aimé, ils vont aller voir celui-là. Par contre, la fin, bon, moi j'étais un petit peu surpris quand j'ai vu la première fois, c'est que je m'attendais pas du tout à ce qui reste sur la planète, quoi. Ouais, ça c'était le seul truc surprenant, parce que normalement, ce qu'on avait appris des Predators, c'est qu'une fois que t'en avais battu un, bah, t'étais quand même considéré comme à leur niveau, hein, dans les AVP, c'est exactement ça. C'est ça. Et là, non, bah, tu restes sur place. Ouais, tu démerdes, quoi. Bah, il va falloir quitter la planète, bah ouais, mais comment que tu fais, quoi. Parce que. Bah, ça, ce sera pour Predators 2. Non, il n'y en aura pas. Mais bon, le film, de toute façon, n'a pas cartonné non plus. Hein. Toi, tu préfères le 2 à celui-là, quoi, en fait. Côté quitte fun. Quitte à choisir, je préférerais le 1. Mais... Tu préfères Danny Glover. Mais le 2 était plus, tu vois, mentalité des années 90. C'était vraiment l'époque où Robocop, enfin, tous les trucs comme ça, c'était des méchants de Street of Rage aussi, quoi. C'était les mêmes méchants dans Robocop ou peut-être même L'Arme Fatale et Predators, quoi. C'était le clicheton des gangs de rue, des flics d'un côté, et puis les gangs de rue qui ont beaucoup de pouvoir, etc. C'est ça. Ouais, en fait, Predator, c'est un film de franchise, quoi. C'est un film de producteur. On va essayer de ranimer un peu la franchise. On met 2-3 nouveautés. Notamment, bon, on change un petit peu les casques des Predators. Il y en a un qui est plus grand que l'autre. Il est plus balèze. Il y a une tronche un peu différente. Ouais, un peu puis chaque Predator, il y a une gueule de plus en plus grande. Donc voilà, à la fin, on va avoir Macron. sinon, il y a rien à dire sur les autres franchises. Pour moi, il y a le 1, il y a le 2 que vous pouvez regarder si vous aimez bien la mentalité des années 90. Il y en a qui vont trouver ça nanar. Predators 1, ça a plu, et Predators 2, pas plu, justement parce qu'on avait tout le bestiaire qui était déjà fait là. Donc il n'y avait plus de surprise. On savait ce que c'était le monstre et on savait ce qu'il faisait. Donc avec l'effet de surprise en moins, le film, déjà, on sait qu'on va s'emmerder. Ouais, c'est ça que s'il n'y a pas vraiment de nouveauté à apporter au personnage, ça fonctionne pas, quoi. Bah après, on retrouve toujours la même soupe et on nous sert toujours le même truc. Un peu comme un Jurassic Park et un Jurassic World. Ouais, c'est ça. Et quand une franchise s'épuise, c'est mauvais, quoi, déjà, à la base. Mais de toute façon, je pense que Predators, c'est pas pire que les deux films dont on va parler maintenant. Les crossovers, les fameux crossovers. À commencer par Aliens vs Predator en 2004 de Paul W. Anderson. On retrouve aussi au casting Sana Lathan qui incarne l'espèce d'archéologue. Là. Et surtout Lance Henriksen, que moi j'aime bien particulièrement. Là, il fait le lien en fait avec Alien, vu qu'il incarne Charles Bishop Weyland. Donc Lance Henriksen, est-ce que c'est nécessaire de vous rappeler que c'était lui qui faisait Bishop dans la série des Aliens? Je ne crois pas. Mais il a pas fait que ça, heureusement. Et là, ils explorent une pyramide qui est assez ancienne d'ailleurs. C'est ça, le satellite détecte une source de chaleur au pôle nord ou au pôle sud, en Antarctique. Puis ils se sont dit, on va aller voir ce que c'est. Ouais, c'est l'intrigue d'entrée d'accroche, c'est ça. Et ça fait très jeu vidéo, dès que tu rentres dans la pyramide. Ça fait un peu le nouveau Tomb Raider, quoi. Ouais, c'est super ça. Jeu vidéo. Donc ils sont prisonniers la pyramide, bien sûr, ça fait une espèce de labyrinthe. Bien sûr, c'est de la chair à Facehugger, quoi, finalement. Ouais, le but du jeu, c'est ça, c'est que les aliens qui sont présents là, donc sur la planète, apparemment depuis longtemps, donc les aliens, ils sont là depuis des millénaires, apparemment, ça gêne personne. Donc la mère alien, elle est congelée, enfin la reine alien, est congelée depuis des années, et puis ils rentrent dans la pyramide et ça lance un mécanisme de décongélation pour qu'elle peut pondre ses œufs à la chaîne et puis créer des Facehuggers qui vont aller se coller à la tronche des gens pour faire des aliens et pour faire un nouveau gibier. Et c'est une espèce de chasse peu enfermée, quoi. Puis quand ils arrivent, ils se font trucider, finalement, les prédateurs. D'ailleurs, il y a quelques belles scènes, moi j'avais apprécié, c'est l'histoire de... Ils introduisent un peu cette idée de shuriken, tu sais, quand ils coupent le facehugger en deux ou qui décapitent les aliens. Bon, je trouvais que ça, c'était pas trop mal, mais c'est vraiment faible par rapport à... Dans ce film-là, il y a plus d'armes blanches que d'armes d'attaque. C'est-à-dire qu'ils sont plus avec des trucs en acier, les fameux shurikens, les espèces de griffes de Wolverine qui leur sortent des bras, plutôt que l'arme lourde. C'est mano à mano, qu'on va dire. Ouais, là, ça fait vraiment plus d'égal à égal avec un alien, quoi. Mais bon, les humains, ça sert pas à grand-chose dans ce film, juste à se faire éclater le bide, et puis les humains, c'est pas les prédateurs chassent les humains juste parce qu'ils savent que ça va faire des nouveaux aliens, et ça sera plus dur à battre, c'est tout, sinon les humains, ils en ont rien à foutre. Ouais, et puis il y a cette scène finale qui pose problème, c'est l'alliance entre, je sais pas si c'est pas une archéologue, c'est, je sais plus comment, enfin cette femme-là... Il y a l'alliance entre... L'héroïne et... Je veux dire Lara Croft. Et le prédateur qui lui montre, regarde, avec une gueule d'alien, ça te fait un bouclier contre l'acide, et puis avec la queue de l'alien, ça te fait une lance. Puis la fin contre la reine alien, qui bute le prédateur alors qu'elle sait très bien qu'il a été mordu, enfin pas mordu, mais attrapé par un facehugger, vu qu'on le voit à la fin du film. Que le prédalien sort du bide. Moi, j'ai pas compris comment le prédalien avait survécu, vu qu'il se fait complètement éventrer le bide. Après, ça reste un AVP, hein. Ouais, je sais bien. Alien versus Predator, donc. Je vais pas non plus m'offusquer des incohérences. Parce que là, si tu t'offuses d'incohérences, il va falloir reparler tout le film de A à Z, donc là, c'est un peu gênant. Comme les Predators qui sont en orbite et puis qu'ils attendent sagement qu'il y a des humains qui arrivent pour aller chasser. Mais ils leur creusent quand même la voie, quoi. Enfin, ils leur font un tunnel dans la glace qui va jusqu'à la pyramide. Ouais, c'est vrai, il y a une espèce de rayon bleu, là. Puis personne s'inquiète, hein. Regardez, ça a dû être fait avec un laser. Bah, venez, on va voir. d'accord. Donc, des trucs. Puis en plus, ils sont tous cons parce qu'ils restent à l'intérieur, quoi. Après, le fait qu'il y a un prédalien qui arrive à la fin, c'est juste pour nous faire un teaser pour le numéro 2. Le Requiem, quoi. On peut peut-être dériver sur le Requiem, qui est quand même le pire des films. Bah, en plus, il porte bien son nom. Un Requiem, c'est une œuvre qu'on fait avant qu'on va crever. C'est ça. Sauf qu'un Requiem, c'est censé être magnifique. Là, c'est magnifiquement merdique. Alors, c'est le film, le prédalien arrive sur Terre. Et encore une fois, c'est la même chose. Dans le 1, ils sont isolés, et dans le 2, ils font ça en guerrier civil. Ouais, là, ils sont dans, c'est ça, ils arrivent dans une espèce de bled. Alors, il y a un pan d'acteurs qui n'ont aucun charisme, et puis on se donne vraiment ce qu'ils foutent là. Ils sont complètement perdus dans le film. Donc, les facehuggers sont, bien sûr, que le prédalien, font le bordel dans le vaisseau du prédateur. Donc, le vaisseau s'écrase, et du coup, tous les facehuggers qui étaient en captivité, ils se barrent. Donc il y a une scène qui est pas mal, c'est cette scène où avec le gamin qui se fait éclater le bide, mais bon. C'est assez atypique, je veux dire, c'est toujours des adultes qui se font avoir, et là c'est un gamin, c'est surprenant. Je dirais que à ce niveau de violence là, c'est juste une petite anecdote par rapport à ce film où quand les aliens et les prédateurs se déplacent ou se battent, on est tout le temps dans des endroits qui sont hyper sombres. C'est-à-dire qu'on voit rien du tout. Et ça c'est quand ça pêche au niveau des costumes et des effets spéciaux. Quand un film sait qu'on va être sombre, genre à la Suicide Squad ou un truc comme ça, on sait que le film va être pourri parce que c'est-à-dire qu'ils savent pas traiter leurs effets spéciaux. Puis ça fait vraiment cache misère quoi les scènes d'action. Il y a juste la scène sur le toit ou sous la pluie. Les scènes d'action, j'en ai pas vu dans ce film. Ah si, il y a quand même la scène avec le fouet quand il coupe. Il y a aucune action, c'est des scènes de boss. À la con. Ouais, c'est des scènes de jeux vidéo, je suis d'accord avec toi, mais est-ce que j'essaye de justifier un peu ce film? Pas vraiment, parce que, bon, on va dire qu'il y a 30 secondes qui sont intéressantes dans ce film, c'est quand ils sont sur la planète d'origine des prédateurs ou qu'il y a le vaisseau qui décolle, mais sinon, il y a vraiment que 30 secondes qui s'inscrivent un peu dans le canon du prédateur. Mais dans tout le reste, on s'ennuie fermement, c'est le gros problème de ce film. Puis, les caricatures, là, encore une fois, chez les jeunes, le shérif, les militaires. Il s'empare de l'espèce de canon qui est sur l'épaule du prédateur. Ah, tiens, c'est une super technologie, on va s'en utiliser. Ça finit comme ça, quoi, sur un truc un peu complot gouvernemental, tu vois. Ouais, c'est vrai qu'à la fin, ça fait vraiment. On savait tout depuis le début, vite, on va récupérer les armes. Ouais, ça fait Roswell, quoi. Ça fait un peu Roswell ou Terminator, je sais plus combien, là. C'est deux, avec le bras. Ouais, enfin, qui trouve un morceau, puis ils se disent, ça doit être dangereux, cool, on va en faire des armes. Ouais, c'est ça. Voilà, mentalité de l'époque. Hein. Et puis il y a une scène que je trouvais pas mal, mais complètement con, c'est quand Predator balance sa shuriken et t'as la blonde qui court, et elle se fait complètement éventrée par le shuriken. J'ai trouvé ça drôle, moi. En général, quand la blonde elle meurt dans les films, vous regardez Scream, c'est la blonde qui claque, toujours comme demande, donc dans les films comme ça, c'est la même chose. Non mais bon, c'est quand même des 5 films, c'est quand même le plus débile et le plus raté quoi. Moi j'hésite entre Predators et AVP2. Quand même. J'hésite entre les deux. Je les classerais plus ou moins au même niveau. T'as rien à dire d'autre sur Requiem? Apparemment, ça t'a pas inspiré plus que ça. Non, le générique de fin il était bien. J'étais content de sortir de la salle. Tu l'as vu au cinéma? Ouais, j'étais le voir au cinéma parce que le premier, pas que j'avais aimé, mais c'est que c'était quand même divertissant, faut dire ce qu'il faut. Ouais, ouais. Mais alors le deuxième, je dis c'est tout, la licence est morte, enterrez-la, heure du décès, 21h57. Voilà. Je crois qu'on a fait le tour des films. On va parler un petit peu des comics. Il y a peut-être, pour les comics, faut savoir que Dark Horse, la maison qui édite les comics de Star Wars et d'Aliens, ont commencé en 89 une petite série qui s'appelait Concrete Jungle. Alors, le petite anecdote, c'est que les prédateurs arrivent en ville, débarquent en ville, et ils se retrouvent face au détective Schaffer. Alors, Schaffer, si ça vous rappelle quelqu'un, c'est tout simplement le nom de Schwarzenegger dans le premier Predator. Donc en fait, ce détective, c'est le frère de Schwarzy, qui ressemble plus à Dolph Lundgren que à Schwarzy d'ailleurs dans le comics. Mais pour un petit peu démarrer la partie comic book. Alors il y a pas mal de comic book et de nouvelles. Je vais pas tous les énumérer parce que je crois qu'il y en a près d'une trentaine. Bon, en fait, c'est comme le film Predators, les comic books, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a de cool dans la littérature, dans la littérature comics de maintenant. Voilà, il y a tel super-héros ou tel mec, cool, on va coller des Predators avec, puis ça va faire un carton, on va avoir les deux parties, ceux qui aiment bien cet univers-là et ceux qui aiment bien l'univers Predator, qui vont acheter. Pour moi, c'est les comics, c'est que des prétextes à ça. Ouais, c'est ça, et puis en plus, les scénarios sont pas très élaborés, quand tu vois les... Alors le pire, c'est quand même qu'il y a des crossovers, c'est là qu'on va un petit peu rigoler, parce que dans notre dossier Superman, je sais pas si tu te souviens, mais à un moment, j'ai parlé de Superman versus Predator. Donc le Kryptonien contre le Yojo, il y a Batman versus Predator qui est un des plus connus. Il est le plus connu parce que c'est l'un des meilleurs en fait. Ouais. Là dans l'histoire que ça raconte, ça fait du bien un peu de voir Batman se faire péter la gueule et de devoir tricher un peu, c'est-à-dire d'utiliser plus des armes et des éléments tactiques un peu plus violents pour pouvoir péter la gueule au Predator. Ouais, d'autant plus que je pense qu'il porte une grosse armure déjà pour se battre avec. C'est-à-dire un exosquelette, à la limite le même exosquelette qu'il aurait utilisé dans Batman versus Superman. Vous vous doutez pourquoi on doute de la véracité de Danny Glover quand il se bat contre un Predator alors que Batman a du mal à lui donner une patate, mais bon. Ouais, surtout si Clark, enfin Clark, si Kal-El a eu quelques difficultés à battre des prédateurs, alors que. Ouais, c'est parce qu'il était apparemment dans le. Apparemment, ils avaient une espèce de virus qui faisait qu'il était affaibli. Ah, comme c'est pratique. Ah oui, non mais le Deus Ex Machina, comme. Voilà, c'est ouais, c'est la limite du MacGuffin là. Ah ouais. Alors, il y avait aussi d'autres personnages qui sont bien connus du monde du comic book. On a Judge Dredd versus Predator. Voilà, encore, ça peut coller. Ouais. C'est-à-dire ces deux univers qui sont super violents l'un et l'autre. Ouais. Mais bon, après, ça fait encore... Vous aimez bien Judge Dredd? Ouais. Vous aimez bien Predator? Ouais. Bon, vous collez les deux. C'est ça. C'est un peu comme Predator versus JLA, la justice de l'île d'Amérique. Alors, le truc est encore plus nawak parce que, apparemment, les Predators ont hérité des pouvoirs des super-héros, quoi. Donc, c'est-à-dire qu'on a des super-vilains contre des super-héros. Bah ouais, ça fait un peu Amazo contre la Justice League, en fait. Ça sert à rien, quoi. Enfin, ça sert à rien. Si encore, c'était bien qu'il y avait une histoire qui nous surprenait. Mais là, non, c'est un ramassis merdique de monstres avec des pouvoirs pour lutter contre des gens normaux avec des pouvoirs. Un adversaire que moi, j'étais surpris de retrouver, c'est Tarzan. Il y a eu Tarzan contre Predator, ouais. Tarzinge contre Predator, on aura tout vu. Non, mais tu vois le mec avec sa peau de bête et son petit couteau, quoi. Bah ouais, avec son petit couplat, non, ça, c'était rare. Avec son petit couteau qui va battre des prédateurs, à part se faire écraser par un éléphant, je vois pas comment il pourrait battre un prédateur, quoi. Non, mais c'est vrai que ça a pas beaucoup de sens, et puis là aussi, il y a le rapport de force, quoi. Moi, j'ai hâte de voir les Pokémon contre Predator. Ouais, je sais pas, je suis étonné qu'il n'y ait pas de Tortue Ninja contre Predator. Bah ouais, pourtant, ça pourrait le faire, parce que de dire les BD de Tortue Ninja, on en a parlé dans un précédent podcast. Dans les BD de Tortue Ninja, ils pétaient vraiment des gueules, les tortues. Ouais. Donc là, ouais, ils ont été aussi violents que les prédateurs au début. Il y a quand même des trucs, on est content que ça sorte pas. Non, mais bon, là, c'est l'exploitation de licence pure et simple, ça c'est clair. Bah, c'est l'inconvénient de faire des crossovers de deux univers totalement différents. La GLA, par exemple, et l'univers Predator, c'est deux trucs totalement différents. Donc, si on arrive à nous pondre une bonne histoire, pourquoi pas? Autant pondre une bonne histoire comme une mère alien pour un bon neuf, il n'y a pas de problème. Mais là, c'est des trucs vraiment faits à l'arrache pour soutirer le maximum de fric aux fans d'une licence ou de l'autre. Ouais, c'est ça. Bon, il faut savoir que tous ces récits-là en comics, là, ils sont pas sortis en France. Donc c'était les années 90. Ils sont certainement trouvables sur Internet, sur les bons forums et sur. Si vous voulez jeter un coup d'œil, il y a eu quelques fan films parce que bon, toi t'as pas trop apprécié, mais moi j'ai bien aimé le Batman Dead End où justement Batman se battait contre le Predator et à la fin t'as tous les aliens qui arrivent. Il y a aussi un crossover Wolverine versus Predator. Celui-là je l'ai pas vu, mais je trouve que c'est une bonne idée, vu la puissance des deux personnages. Bon, après, il faut un scénar derrière. Ouais. Pour moi, mettre un Predator, faire un crossover avec n'importe qui, c'est pas une bonne idée s'il n'y a pas de scénar derrière. C'est juste pour nous montrer une débauche de voilà ce qu'on sait faire, ça sert à rien. Enfin, pour moi, s'il n'y a pas d'histoire derrière, c'est pas un truc que je vais regarder ou que je vais m'y attarder. Ah, mais toi, pour toi, c'est quoi un bon crossover? Parce que, est-ce que t'as un crossover qui t'a marqué, quoi? Ouais, les crossovers premiers qui m'ont marqué, c'est avant la GLA, c'était par exemple un Batman qui travaillait avec Superman. T'avais un crossover des deux, les deux univers se mélangeaient bien, c'était respecté, on respectait le quota de puissance de Superman, le quota de puissance de Batman, et voilà, ça faisait des crossovers en BD qui étaient franchement jouissifs à regarder. Je dirais même que le crossover Spidey avec Batman était correct. Il était pas transcendant, mais il était correct. Après, ouais. Vous avez quasiment aucune chance de le trouver en français, mais sinon il était correct. Après, il y a d'autres crossovers qui se permettent le luxe d'être bien. Je pense notamment à un crossover avec Scooby-Doo et le Batman de 66 en dessin animé. Celui-là, il était correct. Ouais. Alors que c'est un crossover que ça n'a rien à foutre ensemble, quoi. Je crois qu'il y a deux films animés, il me semble. Et tu vois, là, c'est des genres de crossover quand on respecte les univers et qu'on a un bon scénario derrière. Après, ça reste du Scooby-Doo aussi. Hein. Oui. Mais ça va, on peut le regarder. Par contre, Alien versus Predator, j'attendais énormément de ce crossover parce que franchement, les aliens, bah, fantastique. Hein, je veux dire, c'est des prédateurs à eux-mêmes, une intelligence hors du commun, mais une force bestiale. Et contre un Predator ou qui a une intelligence hors du commun aussi et plus une stratégie militaire, j'attendais à quelque chose de bien. Et non, ils ont concentré ça sur les pauvres humains, quoi. Donc, quelque chose qui m'a pas plu quand j'ai vu le premier Alien versus Predator. Ouais, c'est ça, c'est... Le potentiel était là. Potentiellement, quand j'ai été le voir, je me dis, ça va être génial, des aliens contre des prédateurs. Tu te rends pas compte, le rapport de force était équilibré. Parce que même si un prédateur, il empale un alien, il se prend un jet d'acide. Ah, complètement. Donc voilà, ouais, c'était cet aspect-là que je voudrais voir. Et puis pour finir, j'ai vu un film de brin qui se concentrait sur une nénette qui devient aussi balèze qu'un prédateur. C'est vrai que... Une fois que je dis nénette, moi je vais me prendre les féministes sur la gueule ces jours. Pas nénette, non, enfin, on peut se lâcher, mais bon. Tu vois, ça, c'est le genre de crossover, tous ces crossovers-là. Quand t'as une bonne idée derrière, ouais, mais après, si c'est pour faire du cash, c'est pas la peine. Ouais, mais c'est un peu le lot de Hollywood et de l'industrie américaine, quoi, finalement. Si on parle des crossovers style Robocop versus Terminator ou... Bah, ça, encore une fois, c'est deux univers qui ont rien à foutre l'un avec l'autre. Même Superman versus Terminator, tu vois. Encore une fois, voilà, deux univers qui ont rien à foutre les uns avec les autres. Je vais aller jusqu'à dire que c'est pas des univers qui sont compatibles. Les derniers univers en crossover compatibles qu'on a, ça s'appelle Avengers. Parce qu'ils ont réussi à créer des univers qui s'emboîtent les uns dans les autres. Mais quand tu fais un projet à long terme avec des univers que tu sais qu'ils peuvent s'imbriquer, ça passe. Predator versus Senseiya, il y a aucun... Enfin, ah oui, là, il y a un problème. Là. Tu vois, ça te paraît aberrant. Eh ben, moi, voilà, c'est des trucs qui me paraissent aberrants à ce niveau-là. Ça n'a rien à foutre ensemble. Ouais, en parlant de crossover, moi, dernièrement, j'ai vu Transformers versus G.I. Joe, je sais plus ce que... Bah, encore une fois, tu vois, je parlais des BD tout à l'heure qui tournaient bien. Il y a eu un crossover Transformers avec Spider-Man, c'était à chier. Quand c'est des licences qui sont complètement indépendantes, ça marche pas, quoi. Bah, on peut les rendre cohérentes dans l'univers, c'est pas gênant, mais faut que ce soit bien tourné. Faut pas faire gueuler les fans, alors ça, c'est compliqué. Hein. Faut pas, par exemple, downgrader un super-héros comme Superman. Non, mais il était malade ce jour-là. Ouais. Voilà, ça fait un peu en dessous de votre gueule, quoi. Tandis que le crossover Predators versus Batman, celui-là était bien. Pourquoi ? Les deux univers étaient respectés. Au début, quand on lit le lecture, on se demande comment le Bat il va se battre avec ça, quoi. Parce que le Predators est quand même à la limite du super pouvoir, quoi. Ouais, donc, et puis quand on voit comment ça tourne, on se dit quand même. Puis c'est des dessins à la Tortue Ninja où quand il y a des gueules pétées, il y a des gueules pétées. Et du coup, comme les univers sont respectés, que le rapport de force entre le Bat et le Predator sont respectés, du coup, c'était la plus belle accroche pour moi d'un Predators avec un crossover. On s'éloigne un peu du sujet, mais si on parle un peu de la saga Star Trek, elle s'y met aussi dans tout ce qui est crossover comics, parce qu'on a par exemple Star Trek Green Lantern ou Star Trek Doctor Who, carrément, quoi. Est-ce que c'est un peu plus compatible pour toi que de croiser deux univers de science-fiction, par exemple ? Mais tous les univers sont compatibles, il suffit de respecter les deux univers. Un Star Trek Doctor Who, ça pourrait le faire, parce que le Docteur, il est intemporel. Mais si on colle un scénario à la con derrière, ou comme par hasard, le TARDIS peut plus voler parce qu'il est coincé quelque part, ou un truc dans le genre, c'est pourri votre idée, les mecs. Faut respecter les univers de chacun. Et le problème dans des univers trop différents, c'est qu'il y a forcément un moment où on va devoir downgrader un des héros. Toutes ces comics, c'est un peu fait pour les fanboys, quoi, finalement. Moi, je veux bien que ce soit fait pour les fanboys, mais on peut aussi dire que c'est fait par des mecs avides de pognon qui se sont dit tiens, cet univers-là il marche bien. Il y a des fans des univers là, puis on va croiser les fans, quoi. Et au cinéma, il y a pas eu beaucoup de crossover à part Alien versus Predator. Bon, je pense à Freddy versus Jason, mais toi t'es pas trop de films d'horreur, mais ce film était un petit peu fun, et puis c'est du jeu de massacre, hein, dans ce film là. Mais hormis ça, j'ai pas tellement souvenir que on ait croisé comme ça des deux univers au cinéma. Ils osent pas trop, hein, quand même, le faire aussi dans les films. Bah, tu vas avouer que c'est quand même risqué. Ouais. Le meilleur qui pouvait se faire, moi, je te dis, c'est les Aliens et les Predators, parce que voilà, ils ont une histoire en commun, comme je te l'ai dit auparavant. Freddy versus Jason, ça pouvait le faire aussi. Est-ce que l'univers glauque de ces années-là, ça peut coller? Mais après, faut que ça suive derrière. Puis t'as Batman versus Superman aussi. Batman versus Superman, on peut dire que c'est un crossover, mais... Justice League. Moi, je suis désolé, dans ce crossover-là, je trouve que Superman, il est downgradé à fond, quoi. Il montre pas tous ses pouvoirs, tu vois. Mais par contre, l'univers se respecte bien. C'est-à-dire qu'on a les plans avec Superman très sombres. Donc c'est The Dark Knight, tu vois, c'est vraiment le mec sombre, torturé. Et quand on a les plans avec Superman, c'est des plans quasiment divins, quoi, avec de la lumière, bien enveloppée, etc. Tu vois, le dieu contre l'homme, je trouve que c'était quand même bien. Moi, pour moi, Batman versus Superman, c'est un film réussi. C'est juste qu'il est pas sorti dans ce que les fans attendaient. Ils attendaient plus d'humour parce que Marvel voulait de l'humour. Mais pour moi, le Batman versus Superman est un bon film, surtout la version longue qui est sortie en Blu-ray. Ouais, la version longue est bonne, et il y a encore quelques défauts quand même dans ce film, dont le fameux Martha. Mais sinon, c'est vrai que... Encore, tu vois, c'est encore un défaut de scénario. C'est l'élément déclencheur, ce fameux Martha. C'est-à-dire que, tu vois, il y a l'action qui monte, le combat qui devient dantesque, et puis tout d'un coup, ça coupe, frac. C'est sec, quoi. C'est sec. Donc, et pourquoi ça coupe? Parce que leur mère ont le même prénom. Donc ça permet à Bruce de se dire, merde, je suis pas mieux que quelqu'un que je traite comme un salaud, parce que je fais pareil, en fait. C'est-à-dire, je suis comme lui, j'ai eu des parents, etc. Mais c'est coupé de façon vraiment brutale, quoi. Ouais, c'est mal amené, quoi. C'est ça, le truc. Ouais, ben, on va pas non plus tergiverser sur les crossovers, hein, parce que je pense qu'on a exploré un peu le truc. Donc tu vois, pour conclure, je peux te dire, bon, voilà, il y a eu des crossovers aux Predators. Bon, en BD qui peuvent coller. Après, il y a eu les AVP, il y a eu les Predators et tout. Et là, j'espère que pour le film qui va sortir bientôt, Donc on vous fera un petit podcast dès que la sortie du film sera effective. Mmh. Et j'espère qu'ils vont savoir nous pondre un scénario qui va nous accrocher un peu plus que ce qui nous a été servi jusque maintenant. T'as quand même vu comme moi le trailer, il y a beaucoup d'action, il n'y a pas l'air d'avoir beaucoup de scénarios quand même. Bah, c'est l'inconvénient d'une licence Predators. Le but du jeu, c'est le mec qui chasse un des autres mecs. Parce que pour moi, le Predator, c'est un mec comme les autres. Ouais, mais ça recommence avec les humains, quoi. Voilà, c'est les humains. Bon, en même temps, si on veut s'identifier au personnage, faut bien qu'il chasse des humains. Est-ce que ce serait pas original de faire une démarche uniquement extraterrestre, quoi, tu vois? Bah, pourquoi pas, mais le problème, c'est que personne va aller le voir. Parce que, bah, tout le monde va dire, il n'y a pas d'humains, c'est nul. C'est nous les ennemis jurés des Predators. Voilà, c'est un peu le cas depuis toutes ces années. C'est-à-dire mais toi, c'est ton point de vue. Non, le Predators, je suis désolé, à chaque fois qu'il vient sur Terre, il se fait buter par un humain, quoi. Ouais, et puis de manière assez conne, mais bon... Ah, toujours, ouais. Enfin, je veux dire, il se fait buter, et puis, voilà, soit les autres disent « Cool, mec, t'as réussi à buter un des autres, on se casse. » Et puis là, dans le dernier Predators, ouais, t'as réussi à buter un des autres, tu restes sur notre planète. Donc, tu vois, faut qu'ils arrivent à sortir un peu des... Ils ont essayé de sortir les scénarios dans Predators. Dans le dernier qui va sortir, j'espère qu'ils vont savoir nous pondre quelque chose qui va nous surprendre, parce que là, au niveau des surprises... Je pense pas qu'ils vont arriver à nous surprendre dans le film. Bon, y a rien dans si je peux analyser le trailer, hein, 2 minutes, on a encore des caricatures de mercenaires, ils sont dans un espèce de labo, on sait bien que ça va foirer. Apparemment, il y a un prédateur qui fait 2m50 de haut, qui a l'air plus puissant que, encore une fois, là, c'est un upgrade, comme tu dis. Ça risque d'être un bon film divertissant, mais j'ai pas l'impression que la nouveauté y est, quoi. Le renouvellement, c'est encore une fois de l'exploitation de franchise. Je vais pas être très positif, On fait un Predator parce qu'il faut en faire un par décennie, quoi. C'est ça que je veux dire, quoi, en fait. Bon, on va dire qu'en fait, la bande-annonce de Predator, ça fait l'effet Terminator, c'est-à-dire qu'on a une licence, on l'exploite jusqu'à ce qu'elle meure, et puis on verra bien qui c'est qui va aller le voir. Ouais, c'est ça. Je pense pas qu'il y ait grand-chose à attendre de ce film. Non. Ça m'étonnerait d'être surpris. De toute façon, je pense pas qu'on peut être surpris dans l'univers Predator, parce que ben, on a déjà vu leur code de l'honneur et un peu leur façon de se battre et de chasser. Donc pour moi, j'attends pas grand-chose de ce film, si ce n'est ben, peut-être quelque chose de divertissant avec de l'action et des explosions partout. Et puis des shurikens qui volent partout. Merci d'avoir écouté cette émission jusqu'au bout et j'espère qu'elle vous aura plu. Vous pouvez laisser des commentaires sur la page Facebook dédiée et la partager pour la faire connaître. Et on vous dit à la prochaine pour une nouvelle pastille.